se lève, mais c'est dommage, il fait tout noir dans le quartier. Mes partenaires ont les gants tout noirs, cherchent les noises dans le quartier. Neuf et mon cloque pour tous ces bâtards, je dois des sous, plus d'amitié. Sur le trône on y est, on se l'est approprié, peut pas nier qu'on ne part plus prier. Hey, je suis partant, mes dos sous le parka, atteindre le coche, attendre qu'on parte. J'arrive par latin, sont tous des lâches. Quand je sors le match, cache-toi dans le placard. C'est le moment, cloc cloc sur le parka. Pour faire du sol, on est partant. Minuit pile, j'ai plus de portable. On a fait couler le sang sous le parka. Je veux ma part quand ça partage. Grosse équipe, je redescends, je te déballe pas. Bébé, je rentre pas ce soir, ouais. Le soleil se couche, mais c'est dommage. On fait la guerre même quand le compte y est. Resserrer les taux, y'a pas le choix. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Viens voir nos bâtiments, oh. On n'est pas d'humeur. Viens voir nos bâtiments, oh. On n'est pas d'humeur. Quelques bons poteaux, le reste c'est des flocons. L'ouvreuse en moto, sans qu'il dans l'auto, l'OPJ la poteau. Personne va béton, faut que tes menottes et boulettes dans le 4. C'est le moment, cloc cloc sur le parcours. Pour faire du seul, on est partant. Minuit pile, j'ai plus de portable. On a fait couler le sang sous le parcours. Je veux ma part quand ça partage. Grosse équipe, je redescends, je te déballe pas. Bébé, je rentre pas soir, ouais. J'ai vu tes messages, il faut pas t'inquiéter. Yeah, je rentre tard. J'ai vu tes messages, il faut pas t'inquiéter. C'est qu'un faux départ. Quête pour le butin sur le volant main gantée. C'est qu'un faux départ. Fais du sale maintenant, c'est du sang qu'il y a sur la pluie d'être. C'est le moment.